Unité 3, leçon 1, exercice 22. Exprimez la durée avec d'ici, en, dans, jusqu'en, jusqu'à. Exemple. Quand partiras-tu? 15 jours. Dans 15 jours. À vous. Quand le travail sera-t-il terminé? 3 mois. Dans 3 mois. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez dire quand sera livrée la marchandise? 10 jours. D'ici à 10 jours. Quand pensez-vous qu'on pourra généraliser le procédé? 2 ans. Dans 2 ans. Vous vous souvenez quand on a commencé à travailler sur le projet? 1998. En 1998. Tu penses travailler jusqu'à quand? La retraite. Jusqu'à la retraite.